Le premier des habitants du royaume de l'Ouest, par José Moselli. Accroupi, immobile, entre le socle d'une statue d'Amenophis et l'angle d'une muraille, dans la quatrième salle des antiquités égyptiennes du British Museum à Londres, Murphy Knobles se livrait à de pénibles réflexions. Oui, il en était là. Lui qui avait été un brillant officier de la flotte britannique, un de ceux parmi lesquels se recrutent les amiraux de la grande flotte, il en était là, caché comme un voleur qu'il allait être en attendant la fermeture du muséum. S'il était surpris. Mais quoi, il n'en était plus à cela près. Il avait trop aimé le jeu. Il l'aimait encore. Il avait joué. Il avait perdu. Pour régler ses différences, il avait puisé dans la caisse du battleship dont il avait la garde. Une inspection inopinée avait tout fait découvrir. Les autres officiers s'étaient cotisés afin d'éviter le scandale. Il ne fallait pas que l'honneur de la flotte fût terni. Murphy Knobles avait dû démissionner. Ensuite, ça avait été la déchéance. Toujours le jeu. Murphy Knobles avait exercé toutes sortes de métiers, plus ou moins louches. Plusieurs fois, il avait été arrêté, semoncé, relâché faute de preuves, un peu par pitié. Et maintenant, il attendait, caché dans ce recoin du British Museum. Il attendait la nuit pour voler une statuette d'argent représentant le roi Ramsès II. Une petite statuette, absolument intacte, une des gloires du British Museum. Un milliardaire la convoitait. Les milliardaires ont de ces fantaisies. Celui-là collectionnait les antiquités égyptiennes. L'antiquaire arménien Habib Belchian, avec qui Murphy Knobles avait déjà conclu quelques affaires pas très claires, s'était chargé de procurer la statuette convoitée par son client. Il s'en était entretenu, prudemment d'abord, puis plus clairement avec Murphy Knobles, qui avait d'abord refusé avec indignation. Mais Habib Belchian possédait un certain chèque, émis par Murphy Knobles sur une banque où il ne possédait aucun dépôt. Chèque sans provision. En Angleterre, on punit cela de plusieurs années de prison. Contre la remise de ce chèque et la somme de 500 livres sterling, Murphy Knobles avait accepté de voler la statuette de Ramsès II et de la remettre à l'antiquaire. Habib Belchian allait certainement la revendre 100 fois ce prix. Si seulement Murphy Knobles avait connu le milliardaire. Mais il va de soi que Belchian s'était refusé à fournir la moindre précision sur son client. Secret professionnel, prudence élémentaire. Murphy Knobles pensait à tout cela. Il se jurait de rentrer dans le droit chemin. Avec les 500 livres de l'Arménien, il allait se reniper, s'installer dans un hôtel décent, et il chercherait une place d'officier sur quelque navire marchand. C'était possible. Et il ne jouerait plus. Mais en se faisant cette réflexion, il souriait amèrement, car il savait bien qu'il jouerait encore, qu'il jouerait toujours. Le gardien de la salle 4 passa, traînant ses semelles sur les dalles. Depuis longtemps, le dernier visiteur était parti, et bientôt ce fut la nuit. À travers les vitres embuées des fenêtres de l'immense salle, une clarté jaunâtre, fantomatique, filtra. Au dehors, le fog, l'éternel brouillard de Londres, épaississait l'air, étouffant tous les bruits. Murphy Knobles, qui était immobile depuis plusieurs heures, jugea qu'il pouvait sans risque quitter sa cachette. Avec des mouvements lents et calculés, afin de ne pas risquer de produire le moindre bruit, il se mit debout et s'étira. Il s'était renseigné. Il savait que des rondes passaient à 11 heures du soir et à 4 heures du matin. Il avait décidé d'agir à 2 heures. La montre de son poignet, une montre de nickel à bon marché, que lui avait fourni Habib Belchian, marquait à peine 7 heures du soir. Murphy Knobles soupira. Un gardien pouvait passer. Il se replaça dans sa cachette. Et les heures se succédèrent. De temps à autre, Murphy Knobles percevait des frôlements, des craquements, des bruits vagues. Ses yeux, accoutumés à l'obscurité, pouvaient distinguer les faibles ombres portées sur le dallage par les étranges statues qui peuplaient la salle. Des dieux, des rois, des démons, des animaux. Tout près de lui, à quelques mètres, il apercevait la ligne de vitrine contenant bijoux et statuettes. C'était dans une de ces vitrines qu'était la statuette du roi Ramsès II. Murphy Knobles s'était muni d'un diamant acéré, d'un peu de mastic, d'une petite pince, un attirail de cambrioleur qu'il sentait dans la poche de son veston. Il avait aussi une petite lampe électrique. Habib Belchian, qui le savait combatif, lui conseillait de ne pas emporter d'armes. Cela valait mieux. Sous tout rapport, Murphy Knobbles s'était laissé convaincre. La ronde de 11 heures passa à 11h30, alors que l'ancien officier ne l'attendait plus. Deux hommes, dont l'un était muni d'une puissante torche électrique dont il balayait distraitement l'espace autour de lui. Ils traversèrent rapidement, sans s'arrêter, la quatrième salle et disparurent. Plus que 2 heures. Murphy Knobbles se sentit plus optimiste. Et, enfin, il jugea le moment venu. Les aiguilles de sa montre indiquaient 2h10. Il lui semblait qu'il était là depuis plusieurs mois. Sans bruit, il marcha vers la ligne de vitrine occupant le centre de la salle. C'était dans la troisième qu'était enfermée la statue de Ramsès II. Murphy Knobbles en avait repéré l'emplacement avec soin. Il atteignit la vitrine et, avec son diamant, entreprit de découper un large cercle dans le verre. Ce cercle enlevé, il passerait la main dans l'ouverture et saisirait la statuette qu'il voyait luire dans l'ombre. Une exclamation de colère et de dépit faillit lui échapper. Le verre était doublé, du verre armé, deux lames entre lesquelles était insérée une feuille de mica. Impossible de le couper. Il fallait fracturer la vitrine. Heureusement que Murphy Knobbles avait emporté une pince. Mais il était novice dans son métier de cambrioleur. Malgré ses précautions, le meuble craqua. Un craquement qui parut formidable au voleur. Il s'arrêta, de la sueur aux tempes, rien ne bougea. Il fallait en finir. Il recommença ses pincées, avec plus de précautions encore. Cette fois, il ne produisit plus aucun bruit, et d'un dernier effort, arracha la serrure qui maintenait le couvercle de la vitrine. Mais comme il replaçait la pince dans sa poche, il entendit des piétinements précipités, provenant d'une salle voisine. Le bruit d'un appel parvint à son oreille. La porte faisant communiquer la quatrième salle égyptienne avec la salle des antiquités babyloniennes était ouverte. Mais Murphy Knobbles ne vit rien. De sa main gantée, car il s'était muni de gants afin de ne pas laisser d'empreintes, il souleva le couvercle de la vitrine, l'autre main s'avança vers la statuette de Ramsès. Dans la salle babylonienne, une lueur jaillit. Murphy Knobbles distingua 2 hommes, dont un tenait une torche électrique qui courait dans sa direction. Sa main droite voulut happer la statue. Elle glissa entre ses doigts. Il la ressaisit, mais elle s'accrocha à une autre statuette. Il la lâcha. Les 2 hommes apparus dans la salle babylonienne étaient arrivés à la porte qui la faisait communiquer avec celle où se trouvait le voleur. Murphy Knobbles devait fuir. Machinalement, sans savoir bien ce qu'il faisait, mu par le secret instinct de n'être pas venu pour rien, sa main se referma sur un objet plus facile à saisir. Une plaque de métal dressée obliquement contre un petit cube de pierre. Et comme un fou, Murphy Knobbles se mit à fuir. Les 2 hommes durent le voir. L'un d'eux cria « Stop !» L'autre lança un long coup de sifflet. Murphy Knobbles n'en courut que plus vite. Par une porte ouverte, il passa dans une salle plus petite, la seconde salle des antiquités égyptiennes. Et l'idée lui vint que s'il continuait à courir ainsi, il allait être infailliblement rejoint, cerné. Il bondit vers une des fenêtres, sa chance voulut qu'elle ne fût pas fermée à clé. Il l'ouvrit, le brouillard lui cachait le sol, mais il savait qu'il n'était qu'à 6 mètres de hauteur. Il enjamba le garde-fou de pierre, se laissa pendre dans le vide et lâcha prise. Il tomba sur ses pieds avec une telle violence qu'il demeura pendant plusieurs secondes la respiration coupée. Mais il ne s'était pas fait de mal, c'était le principal. Domptant sa suffocation, il traversa une étroite cour et arriva devant un passage voûté où il y avait de la lumière. Il vit, à l'extrémité du passage, une porte qui, à cet instant précis, s'ouvrit sur un gardien en uniforme. Murphy Knobbles, en quelque formidable foulée, arriva devant l'homme, le renversa d'un terrible direct au menton et atteignit la porte avant qu'elle se fût refermée. Il la retint, passa, la referma et fut dehors. Il reconnut qu'il était devant Bedford Square. Il le contourna et, à travers le brouillard, galopa les dents serrées. Quelques instants plus tard, il s'était enfoncé dans le dédale de petites rues qui avoisinent Tottenham Court Road. Il s'arrêta, haletant, le cœur lui sautant dans la poitrine. Autour de lui, le fog était plus dense que jamais. C'était tout juste si les candélabres des rues produisaient une faible tache jaune qui n'arrivait pas au sol. Murphy Knobbles prit dans sa poche le diamant et la pince qu'il avait emportés et les jeta dans une bouche d'égout ainsi que ses gants. Puis, tâtant dans sa poche la plaque de métal, unique butin de son expédition, Il remint vers Oxford Street. Autour de lui, tout était calme. On ne le cherchait pas dans cette direction. Le lendemain matin, vers 7 heures, Murphy Knobbs sortit de la misérable chambre qu'il habitait dans un boarding house de Whitechapel. Son premier soin fut d'acheter un journal, mais on n'y parlait pas encore de ce qui s'était passé au British Museum. Murphy Knobbs s'engouffra dans l'Underground, le chemin de fer souterrain de Londres, et quelques minutes plus tard, arriva devant le luxueux magasin de M. Abby Belchian. L'antiquaire l'attendait, l'ayant fait passer dans son arrière-boutique. Il l'interrogea du regard. « Rien !» grommela Murphy Knobbs. « J'ai été obligé de fracturer la vitre où était la statue. Elle était protégée par du verre triplé. Et comme j'allais saisir la statue, des gardiens, avertis par quelques signaux que j'avais dû déclencher sans m'en apercevoir, sont arrivés. J'ai réussi à fuir je ne sais comment, après avoir pris au hasard un objet qui m'est tombé sous la main. Cette plaque. » M. Habib avait plissé sa face grasse et jaune, du mépris et du dépit. Sans répondre, il prit la plaque que lui tendait l'ancien officier de marine et l'examina. Il eut un haussement d'épaule dégoûté. « Ça, ricana-t-il, c'est un cartouche de roi d'Égypte. J'en ai comme ça des dizaines. Ça vaut 10 livres et encore. D'ailleurs, je n'en veux pas. Pas besoin de risquer des histoires pour de pareilles bêtises. L'affaire me coûte au moins 40 livres. Comme toujours, j'ai été trop bon, trop confiant. Ça me servira de leçon. Prenez votre machin, je ne vous retiens pas, j'ai affaire. » Murphy Knobbs eut payé très cher pour pouvoir corriger le misérable mercanti, mais celui-ci pouvait le perdre, le chèque. « Je regrette, Mr. Belchian, dit-il simplement, j'ai fait de mon mieux. » Il s'en alla sur ces mots. Il devait une semaine de location pour sa misérable chambre, et il possédait, pour toute fortune, un peu moins d'une livre sterling. Ses vêtements étaient en lambeaux. Il tâta dans sa poche la mince plaque de métal, seul butin de sa dangereuse expédition, et réflexion faite, reprit l'Underground et débarqua à la station de Limehouse, le quartier chinois de Londres. Peu d'instants plus tard, il arriva dans Phipps Street, devant The Dolphin, un public house de dernière catégorie où il espérait voir une de ses connaissances. Charles Casement, un vieillard de 80 ans, qui avait été un savant réputé, un de ces égyptologues qui déchiffrent et lisent les hiéroglyphes comme s'ils étaient contemporains des pharaons, Toutankhamon ou Amenhotep. Dans la petite salle basse qui sentait la bière aigre, la fumée de mauvais tabac et la crasse, Murphy Knobbs aperçut celui qu'il cherchait, un homme de haute taille, voûté, vêtu d'habits rapiécés et suiffeux, le crâne chauve couvert d'un chapeau melon dont les bords et le ruban avaient pris une teinte verdâtre. Le visage du vieillard était presque entièrement recouvert d'une barbe grise et embroussaillée, qui ne laissait à découvert que les pommettes, le nez violacé et les petits yeux noirs au regard étrange. Tel était Charles Casement. L'ivrognerie l'avait conduit là. Il couchait dans un hangar en ruine et passait ses journées au Dolphin où il gagnait quelques pence en écrivant des lettres pour les boys arabes, hindous ou chinois qui fréquentaient le public house. Murphy Knobbs alla s'asseoir à côté de lui, dans un angle, au fond de la salle, sous l'escalier tournant qui conduisait au premier étage. Il y avait peu de clients dans le public house. 2 Chinois qui avalaient goulûment une omelette au petit salé, et un docker debout contre le haut comptoir de bois, devant un verre d'ale. Murphy Knobbs, après avoir échangé quelques mots avec Charles Casement, lui fit passer la plaque de métal, son unique butin de la nuit, et demanda ce qu'il en pensait. « J'ai trouvé ça dans le ruisseau, ce matin, » expliqua-t-il. « Est-ce que cela vaut quelque chose ?» Charles Casement se redressa légèrement, ses petits yeux brillèrent, son nez violacé se plissa. « Oh !» dit-il. « Quoi ?» L'égyptologue ne répondit pas. Pendant un long quart d'heure, il demeura immobile à examiner la plaque dans tous les sens, la flairait en quelque sorte tout en murmurant des syllabes incompréhensibles pour l'ancien officier de marine. Celui-ci, patiemment, attendit. « Well !» murmure enfin Charles Casement. « C'est un cartouche de roi d'Égypte, de Thoutmôsis III, de la 18e dynastie, qui vécut 15 siècles avant l'ère chrétienne et conquit la Syrie, un grand roi. Son tombeau est à Biban el-Moulouk, près de Thèbes. Ce cartouche était fixé au socle d'un ouchabti qui se trouvait dans le tombeau du souverain. L'ouchabti est une statue à laquelle les prêtres égyptiens, par des artifices magiques, donnaient le pouvoir d'assister les défunts lors de leur comparution devant le dieu des enfers. Mais là n'est pas la question. La cartouche mentionne que la momie de Thoutmôsis III est protégée, non seulement par Lushabti, mais surtout par Khenti Amentiu, dont la statue a été enterrée sous le pilier du roi défunt. Or, savez-vous qui est Khenti Amentiu? C'est celui qui est appelé le premier des habitants du royaume de l'Ouest. Et le royaume de l'Ouest, c'est celui des morts. Khenti Amentiu est représenté sous la forme d'un homme à tête de chien. Sa statue, qui est toujours grandeur naturelle, est toujours en or pur. Peut-être est-elle encore à sa place sous le pilier. D'abord, parce que tous les objets retirés de la tombe de Thoutmôsis III sont au musée du Caire où je les ai vus. Et il n'y avait pas de statue de Khenti Amentiu. D'autre part, ce cartouche est gravé en hiéroglyphes ésotériques, que peu d'égyptologues sont parvenus à déchiffrer. J'avais commencé une étude sur ce sujet, mais depuis, prenez votre cartouche, il est précieux. Celui qui suivra les indications que je viens de vous lire, peut-être ramènera-t-il le premier des habitants du royaume de l'Ouest, 3 ou 4 000 livres d'or. Seulement moi, je ne tenterai pas l'entreprise, non. Car il est dit que celui qui touchera l'effigie du premier des habitants du royaume de l'Ouest, Horus, le dieu du soleil, se retirera de lui et il périra dans les ténèbres. Le vieillard hocha la tête, il regarda Murphy Knobbles, eut un ricanement ambigu et conclut d'une voix timide. « Vous me donnez bien une couronne pour mes explications. » Murphy Knobbles demeura quelques secondes sans répondre. Puis, ayant repris le mystérieux cartouche, il tendit au vieil égyptologue son billet d'une demi-livre, toute sa fortune, et chuchota. « Pas un mot à personne, n'est-ce pas ?» Il s'en alla sur ces mots, cependant que Charles Caseman commandait un verre de whisky au garçon du Dolphin. Une fois dans la rue, Murphy Knobbles cracha de dégoût. Il était écœuré de tout. Pour un peu, il eût été se jeter dans la Tamise. « Faisons le point, » maugréa-t-il entre ses dents, tandis qu'il cheminait à travers une ruelle étroite et frangeuse où circulaient des Chinois loqueteux et des marchands de tapis ambulants. « Il me reste 7 shillings et 3 pence, et je dois une semaine de chambre, soit 8 shillings. Autrement dit, je suis à sec, broken. » Comme actif, le cartouche du roi Thoutmôsis. Évidemment, il vaut quelque chose. Mais sa photo va être publiée dans les journaux. Aucun antiquaire ne l'achètera. Si je le montre, je suis fait. D'ailleurs, je n'en tirerai pas lourd. Le mieux, le plus intelligent, ce serait de partir pour l'Égypte et d'aller voir si la statue du premier habitant du royaume de l'Ouest est toujours sous son pilier, à Thèbes. Mais ce n'est pas avec 7 shillings et 3 pence que je peux payer le voyage. Sans compter qu'une fois là-bas, si je trouve la statue du gentleman Khenti Amentiu, il faudra l'emporter, la négocier. Difficile. Les antiquités égyptiennes appartiennent de droit au gouvernement égyptien. Il faudra se débrouiller. Mais qui avancerait les fonds? Murphy Knobbles se hocha la tête. Il se sentit affamé. Il n'avait pas pris le temps de déjeuner. Et son expédition de la nuit, autant que le verre de bière avalé en compagnie de Charles Caseman, lui avait creusé l'estomac. Il entra dans un public house aussi puant, aussi sordide que The Dolphin, et faillit se heurter à deux voyous crapuleux, debout contre la porte, qui discutaient à haute voix sur les chants de crack devant courir à Epsom. « Et moi, disait le plus petit, je te répète que ton bouc est une fripouille. Ces tuyaux crèvent toujours, il... » Murphy Knobbles se rejeta en arrière et ressortit. Les paroles qu'il venait d'entendre lui faisaient soudain penser à une de ses vieilles connaissances, William Waxtain, surnommé W, un bookmaker chez qui il avait souvent joué. Il avait changé de métier et devait présentement être garagiste du côté de Chancery Lane dans Clerkenwell Road. W était un garçon entreprenant, aventureux, avec cela très avide. Peut-être s'intéresserait-il à l'affaire, qui, somme toute, pouvait rapporter d'énormes bénéfices. Sans plus penser à déjeuner, Murphy Knobbles décida d'aller le voir et descendit dans la plus proche station de l'Underground. Moins de 20 minutes plus tard, il arriva devant le splendide garage situé au fond d'une impasse dans une vaste cour encombrée de débris de toutes sortes. Du premier coup d'œil, Murphy Knobbles constata que les affaires de W ne devaient pas être prospères. Le vaste hangar servant de garage contenait une unique voiture, une grosse limousine américaine aux ailes cabossées, aux pare-chocs tordus et rouillés. Les établis, les étaux installés contre les murailles étaient déserts. Pas un ouvrier. Sur le sol, un cric, de grosses clés anglaises, traînait parmi des chiffons pourris. Plus loin, une enveloppe de pneumatique voisine avec des bidons d'huile vide. « Hello, quelqu'un ?» appela Murphy Knobbles déçu. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna une voix qui était celle de W. Il surgit aussitôt par une porte située au fond du hangar. C'était un homme blond, de forte corpulence, qui devait être âgé de 40 ans. Sa face plate et jaune, aux petits yeux gris, exprimait la ruse et la bestialité. Il était revêtu d'un pantalon de toile grossière, retenu par une ceinture de cuir et d'un épais pull-over de laine grisâtre. Il enveloppa son visiteur d'un regard méfiant et circonspect, et l'ayant soudain reconnu, glapit. « Oh, Mr. Knobbles, ça va ?»« Comme ça, » fit l'ancien officier, sans se compromettre. « Moi, ça ne va pas. Je liquide. »« J'y laisserai mes derniers farthings dans cette boîte, » grommela le garagiste. « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» demanda-t-il, en évaluant d'un air connaisseur les souliers boueux et les habits mal rapiécés de son visiteur. Murphy Knobbles comprit ce qu'il pensait. Il sourit et expliqua qu'il apportait une affaire merveilleuse. La fortune, enfin. Facile et rapide. Mais il fallait se décider vite. La méfiance exprimée par le visage de W s'accentua. « Venez dans mon bureau, » dit-il. Le bureau de W se composait d'un réduit cubique d'environ 2,50 m de côté, dont les parois, blanchies à la chaux, étaient tachées de graisse et de cambouis. Comme meuble, une table de bois blanc, deux chaises et une sorte d'armoire dont les bâtons avaient été arrachés et qui étaient vides. Au plafond pendait une ampoule électrique coiffée d'un abat-jour de fer blanc et qui était allumée, la pièce ne possédant pas d'autre ouverture que la porte. W la referma, indiqua une chaise à son visiteur et s'assit sur l'autre. W avait connu Murphy Knobbles au temps de sa splendeur, alors qu'il était un riche et honorable officier de la flotte de Sa Majesté britannique, conservait pour lui une certaine déférence. Il écoutait avec attention Murphy Knobbles lui expliquer qu'un de ses amis lui avait légué un cartouche d'un ancien roi d'Égypte, cartouche qu'il avait fait traduire par un égyptologue érudit et qui indiquait où se trouvait une statue en or qui devait peser plusieurs milliers de livres. Le cartouche indiquait avec précision où se trouvait la statue. Rien ne serait plus facile que de la déterrer, ensuite de la dépecer, de la fondre et de vendre l'or. Commise de fond, moins que rien, le prix d'un voyage en Égypte et quelques outils. « Faites voir ce, comment vous dites, cartouche ?» demanda le garagiste. Murphy Knobbles le lui tendit. W regarda la plaque, sortit sans rien dire, et revint presque aussitôt avec un journal qu'il venait précisément d'acheter et qui relatait le vol commis au British Museum. Au milieu de la première page, s'étalait la photographie grandeur nature du cartouche apporté par Murphy Knobbles. « Qu'est-ce que vous dites de ça ?» ricana W en lui plaçant le journal sous le nez. Murphy Knobbles ne se troubla pas. « Drôle de coïncidence, » remarqua-t-il froidement. « Tous deux se ressemblent beaucoup, c'est étonnant. »« Moi, je m'en balance, » remarqua W en lui lançant un drôle de regard. « Le principal, c'est que ce que vous racontez ne soit pas des bobards. »« Ce n'en est pas, » assurant l'ancien officier de marine. W sourit. De savoir que le cartouche avait été volé du British Museum le décidait. Il se disait que pour avoir affronté de pareils risques, plusieurs années de pénitencier, un homme comme Murphy Knobbles devait avoir de puissantes raisons. Autrement dit que l'histoire de la statue d'or était probablement véridique. Et ainsi, l'affaire fut conclue. Les deux hommes devaient partager également les profits de l'expédition. Cependant, W exigea qu'avant tout partage, ses frais devaient être remboursés, ce qui fut accepté. 5 jours plus tard, les deux hommes prirent le paquebot pour Alexandrie, en 3e classe. W n'entendait pas jeter l'argent par les fenêtres. Voyage sans incident. À Alexandrie, W acheta une grosse auto américaine de modèle ancien mais solide, et en route pour la Haute-Égypte. Les routes égyptiennes, quand elles existent, ne sont pas des meilleures. Les voyages en Égypte se font par le Nil ou en chemin de fer. Mais les associés avaient des raisons à eux pour amener leur auto. Jusqu'au Caire, tout alla bien. Ensuite, la vieille auto dut longer le Nil par des chemins à peine tracés, creusés d'ornières et de fondrières, qui mirent le véhicule à de rudes épreuves. Se donnant pour des touristes modestes, ils feignirent de visiter de nombreuses ruines disséminées le long du fleuve et après une semaine de pérégrination, atteignirent Kenneh, en Haute-Égypte, où ils traversèrent le Nil sur un banc. Biban el-Molouk, où se trouve la nécropole de Toutmosis III, est située en effet sur la rive gauche du fleuve. De Kenneh à Biban et à Molouk, il y a moins de 60 kilomètres, qui furent franchis sur de véritables pistes serpentant à travers rochers et dunes de sable. Et à la nuit, la vieille auto s'arrêta dans la vallée des rois, parmi les tombes en ruines et les nécropoles saccagées. C'était la saison des pluies. Depuis le matin, une averse fine ne cessait pas. Les touristes, par chance, étaient peu nombreux. Ils étaient demeurés dans leurs hôtels ou à bord des bateaux du Nil, ancrés devant Louxor, sur la rive droite du Nil. Et vers 2 heures du matin, lorsque tout était calme et silence, les deux associés, sous la pluie qui tombait toujours, contournèrent le grand temple de Deir el-Bari, qui dressait son énorme masse dans les ténèbres, longèrent une avenue de grands sphinx, pareillés de gigantesques fauves, et descendirent au fond de la vaste vallée où se trouvent les sépultures des rois d'Égypte des 18e et 20e dynasties. Murphy Knobles, à Londres et au Caire, s'était procuré toutes sortes de cartes et de plans qui devaient permettre à son compagnon à lui d'identifier rapidement la tombe de Toutmosis III. Mais dans les ténèbres, ce ne fut pas facile. Un peu partout, les constructions en ruines qui avaient renfermé les dépouilles des pharaons se dressaient. Dans l'obscurité, elles se ressemblaient toutes. Murphy Knobles, s'aidant d'une boussole et d'un plan, qu'éclairait W à l'aide d'une lampe électrique, parvint cependant à s'orienter. Ayant identifié le tombeau de Ramsès III, reconnaissable aux deux piliers flanquant l'escalier par lequel on y accède, il n'eut plus qu'à marcher vers le sud et environ 250 mètres, arriva enfin devant le mausolée du pharaon, lequel était situé au fond d'un étroit ravin rocheux. Éclairé par la torche électrique de William Wachstein, les associés traversèrent un couloir en pente qui aboutissait à un escalier aux marches abruptes qu'ils descendirent. En bas, un second corridor conduisait à une vaste chambre, barrée par un profond fossé qu'enjambait un léger pont de poutrelles de fer installé par l'administration égyptienne. La chambre du fossé franchie, les deux hommes pénétrèrent dans une salle plus vaste, soutenue par deux piliers et dont le plafond était orné d'étoiles. Sur les murailles, d'innombrables hiéroglyphes. « C'est ici !» fit à voix basse Murphy Knobles en désignant une porte creusée dans le roc, dans le fond de la salle, et que surmontait un cartouche portant gravé le nom de Toutmosis III. Ayant passé cette ouverture, Murphy Knobles et W pénétrèrent dans une grande salle de forme ovale, dont le plafond bleu était parsemé d'étoiles jaunes. Deux piliers soutenaient le plafond de cette salle. Contre le second pilier, le plus éloigné de l'ouverture qu'ils venaient de passer, les deux hommes distinguèrent un sarcophage de pierre rouge, le sarcophage qui avait contenu la momie de Toutmosis III. Toutes sortes de scènes y étaient peintes, mais les associés n'avaient d'yeux que pour le pilier voisin, sur lequel des dieux et des démons étaient peints. C'était sous ce pilier, d'après le cartouche du British Museum, qu'était enfermée la statue d'or du premier des habitants du royaume de l'Ouest. « Here we are !» fit W, dont les petits yeux brillaient de convoitise. Pendant quelques minutes, les deux hommes tournèrent autour du pilier. Ils cherchaient comment le déplacer, le soulever. À première vue, cela paraissait impossible. Le pilier, de forme ronde, mesurait 1 mètre de diamètre. Il était solidement encastré, scellé dans les dalles du sol et dans celles formant le plafond. « Rien à faire !» grommela W, après avoir longuement examiné les énormes blocs de pierre formant la massive colonne. « Fallait s'en douter, » ajouta-t-il, « moi qui... »« Ne bougez pas, je crois que j'ai trouvé !» interrompit Murphy Knobles en dirigeant sa torche électrique vers l'une des dalles du sol qui touchait la base du pilier. Des hiéroglyphes, à demi effacés, y étaient gravés, et l'un d'eux, un cercle avec un point au centre, représentant le soleil, était reproduit 3 fois sous le pilier, juste au-dessus de la dalle gravée. Murphy Knobles tapa successivement les 3 points existants au milieu des 3 cercles gravés sur le pilier. Il ne découvrit rien. W, qu'il avait observé, fit entendre un ricanement moqueur. Mais, sans se décourager, Murphy Knobles examina, une à une, les dalles du sol. Sur toutes, une sorte de grille, de forme rectangulaire, était gravée. Murphy Knobles remarqua que ces grilles ne se composaient pas du même nombre de barreaux. Les unes en comptaient 10, d'autres 11. L'ancien officier eut la patience de s'assurer du nombre de barreaux de chaque grille. Sa torche en main, il avança lentement, de long en large, sous le regard ironique de W. Et soudain, comme il avait examiné presque toutes les dalles, une exclamation de triomphe jaillit de ses lèvres. Toutes les grilles creusées dans les dalles possédaient 10 ou 11 barreaux. Toutes, sauf une, située à moins d'un mètre du second pilier et qui comptait 12. 12, le chiffre fatidique. Murphy Knobel se rappela les explications de Charles Casement, l'âme du Had, ou livre de la mort, des anciens Égyptiens, mentionnait que le monde souterrain contient 12 cavernes correspondant aux 12 heures de la mort. Or, le premier des habitants du royaume de l'Ouest, c'était le dieu de la mort. Murphy Knobel bondit vers la pince d'acier qu'il avait posée sur le sol, à quelques pas de lui, et entreprit de soulever la dalle ornée de la grille aux 12 barreaux. À peine eut-il introduit le bec de la pince dans une mince fente de la pierre, qui se confondait avec le 12e barreau, qu'il n'eut que le temps de se rejeter en arrière pour ne pas être entraîné par le bloc de pierre, lequel basculait lentement dans le sens de sa longueur et glissait dans une cavité oblique creusée dans le sol. À sa place, Murphy Knobels et W virent un puits carré. Ils s'en approchèrent, l'éclairèrent de leurs torches, et reconnurent que ce puits aboutissait à la partie supérieure d'une cavité ovoïde haute d'environ 3 mètres, aux parois peintes en rouge sombre. Une même exclamation retentit, poussée par les deux hommes. Au milieu de la cavité, une statue se dressait, la statue d'un homme debout, d'un homme à tête de chien qui, le museau levé dans leur direction, semblait les regarder de ses yeux en pierre noire. La statue en or massif brillait d'un éclat doux et son ombre se dessinait fantastiquement sur les parois intérieures de la cavité. « Le voilà !» aboya W d'une voix que la convoitise faisait trembler. Murphy Knobels, sans savoir pourquoi, eut un petit frisson. Il se rappelait l'avertissement du cartouche. Celui qui touchera l'effigie, Horus se retirera de lui et il périra dans les ténèbres. « Elle pèse au moins 3 000 livres !» reprit W. « Ce sera impossible de l'enlever telle qu'elle. Heureusement que nous avons apporté ce qu'il faut, c'est-à-dire plusieurs scies à métaux. » Les associés tinrent un rapide conciliabule. W, qui avait l'habitude de manier les outils, descendit dans la cavité et commença aussitôt de débiter la statue en morceaux. Il travailla plusieurs heures. Un peu avant le lever du soleil, ils regagnèrent le roteau, emportant, empaqueté dans des chiffons, plusieurs énormes lingots d'or arrachés à la statue. Murphy Knobels, qui avait découvert le dispositif permettant de remettre en place la dalle basculante, avait veillé à ce que toute trace de l'opération ait disparu. La pluie, heureusement, continuait à tomber et les touristes étaient rares. La nuit suivante, les deux associés revinrent dans le tombeau de Toutmosis et achevèrent de débiter en fragments, pesant de 40 à 50 kilos, l'effigie du premier des habitants du royaume de l'Ouest. Les blocs d'or furent transportés en auto dans le désert libyen à une 20 000 milles de la berge du Nil, parmi les ravins rocheux et les dunes de sable. Là, les deux hommes, patiemment, découpèrent les débris de la statue en morceaux plus petits qu'ils firent fondre dans des casseroles de fer, de façon à former de petits lingots et de faire disparaître ainsi toute trace de l'origine du métal précieux. W, qui s'y connaissait, avait reconnu que le premier des habitants du royaume de l'Ouest se composait d'or absolument pur, d'or vierge. Restait la question de transporter cet or et de s'en défaire. Pour cela, il fallait le transporter dans une grande ville, Alexandrie par exemple. Mais les lingots pesaient ensemble près de 2000 kilos. L'auto ne pouvait transporter pareil poids, faire plusieurs voyages, bien risqué, car il lui fallut laisser la plus grande partie de l'or enterrée dans le sable, sans être certain de la retrouver. Après avoir envisagé plusieurs expédients, les associés décidèrent d'acheter une vieille d'ababiais, chalon à voile du Nil, et de cacher les briques d'or dans le sable. Ce fut difficile à trouver. Enfin, après une semaine de recherche, Murphy Knobels finit par dénicher près de Luxor une vieille d'ababiais qui venait d'arriver avec un chargement de chaux. Elle appartenait à un grec appelé Démétrios Frangopoulos qui se trouvait à bord. Il consentit à la vendre après de longs marchandages, moyennant 165 livres sterling. Elle en valait bien la moitié, à peine. Masser était son nom. Ses voiles étaient déchiquetées, rongées des rats. La coque, rapiécée en 20 endroits avec de vieilles planches, faisait haut. La pompe de cale devait fonctionner pendant plusieurs heures chaque jour pour la maintenir à flot. Et Frangopoulos exigea de rester à bord comme matelot. Mais aussi bien il assurait être un bon pilote du Nil. alors autant lui qu'un autre. Mais il fallait qu'il ne connût pas la présence de l'or. Murphy Knobbles l'envoya acheter des voiles neuves à Siout, ce qui lui demanda plus d'une semaine, que les associés mirent à profit pour transporter sur la dalle à biais et cacher dans le sable les précieuses briques d'or. « Voilà ce qu'il faut faire, » décida-t-il un matin en l'absence de Frangopoulos. « Il nous faut aller en Angleterre, à Liverpool ou à Londres, où nous négocierons facilement notre or sans qu'on nous demande des explications embarrassantes. Nous allons vendre la dalle à biais. Nous achèterons un petit navire pour être manié par nous trois et en route. Naturellement, ces frais me seront remboursés avant tout partage, » fit W. après quelques instants de réflexion. « Entendu. » Il fallut d'abord acheter le navire en question. Ce fut difficile. Les quelques caboteurs de la côte égyptienne étaient trop importants pour être maniés par trois hommes. Finalement, W. découvrit au fond du port un vieux remorqueur grec, l'Hellas, dont la chaudière, par chance, chauffait au mazout. L'Hellas ne valait guère mieux que le Macer. Très bas sur l'eau, long d'une quinzaine de mètres, c'était tout juste s'il était en état de tenir la mer. Mais les associés avaient décidé de ne pas s'éloigner des côtes. W. dut débourser 350 livres sterling, presque tout ce qu'il possédait. Une centaine de livres furent encore nécessaires pour le ravitaillement de l'Hellas en mazout, en eau douce, en vivres. Le masseur fut vendu, moyennant 65 livres sterling, près du tiers de son prix d'achat, ce qui fit pousser de nouveaux cris à W. Angiopoulos accepta de partir sur l'Hellas, moyennant un fort salaire, et par un matin ensoleillé, l'Hellas appareilla d'Alexandrie. Sous sa chaudière, les gueules de fonte lui servant de lest avaient été remplacées en partie par des briques d'or transportées de la dalle à biais par Murphy Knobbles et W. la nuit pendant que Frangopoulos était à terre. Le beau temps sembla devoir favoriser le vieux remorqueur, heureusement, car sa chaudière fuyait, sa machine était poussive et sa coque geignait dangereusement au moindre coup de tangage. Murphy Knobbles, bien qu'il assurât que le petit vapeur était encore très solide, ne se sentait pas très rassuré, et il comprenait que Frangopoulos ne l'était pas plus que lui. Le pire, c'était que les trois hommes devaient travailler presque sans arrêt pour assurer la marche du petit vapeur. W, qui avait quelques connaissances en mécanique, s'était chargé de la machine. Il assurait la chauffe, quelques robinets à tourner, et veillait au graissage. Entre-temps, il dormait sur le pont, étendu sur une chaise longue. Frangopoulos et Murphy Knobbles se relayaient à la barre. Quant à la cuisine, elle était vite faite. Quelques conserves réchauffées sur un petit fourneau à pétrole. Impossible de faire le point. W s'étant énergiquement refusé à acheter un sextant et un chronomètre. C'était tout juste si Murphy Knobbles avait pu obtenir de lui l'argent nécessaire à l'acquisition de quelques cartes marines indispensables. Et ainsi, l'Hellas naviguait à l'estime, approximativement. Murphy Knobbles avait vainement expliqué à W qu'il allait être obligé de suivre la côte d'Afrique jusqu'à Gibraltar, ce qui, en allongeant le parcours, occasionnerait des dépenses de combustible et de vivres supérieures à l'achat d'instruments nautiques. W n'avait rien voulu entendre. Et le petit vapeur avançait à 7 nœuds de vitesse à peine. Chaque matin, Murphy Knobbles sondait les réservoirs à mazout et constatait qu'ils se vidaient avec rapidité. La machine de l'Hellas consommait beaucoup plus que ne l'avait affirmé son vendeur. Tout indiquait que la provision de mazout ne pourrait permettre au petit navire d'atteindre Gibraltar, où les combustibles liquides sont relativement à bon marché, mais qu'il faudrait relâcher avant, à Alger, peut-être même à Tunis, d'où accroissement de dépenses. Aussi W était-il plutôt de mauvaise humeur. Frangopoulos ne l'était pas moins. Déjà maigre, il maigrissait encore. Il mettait la plus grande mauvaise volonté à assurer son service. Presque chaque fois, Murphy Knobbles était obligé d'aller le chercher pour prendre la barre. Frangopoulos, que l'ancien officier de marine était allé réveiller, feignait de s'endormir, d'où récrimination. Pour le calmer, Murphy Knobbles, d'accord avec W et non sans peine, annonça que ses gages allaient être doublés. Frangopoulos parut satisfait. Pendant 24 heures. Et le jour suivant, il recommença à grommeler. Comme W lui faisait observer qu'au prix où il était payé, il aurait dû être content, le grec répondit « Même si vous me payez 4 fois plus, je ne veux pas crever ma peau pour vous. Je me demande quelle sale combine vous avez en tête pour dépenser votre argent, acheter une dalle à biais, puis un vieux remorqueur, au lieu de voyager comme tout le monde. Y y a sûrement quelque chose là-dessous. Il y a que nous aimons naviguer à notre façon, qui ne regarde personne, et vous moins que quiconque. » intervint Murphy Knobbles, qui, de la petite passerelle où il tenait la barre, avait tout entendu. La conversation s'arrêta là. Mais, deux jours plus tard, alors qu'Hélas se trouvait par le travers de Sfax, le cylindre haute pression de la machine commença de fuir. Il fallut stopper. Le temps était beau, heureusement. Tant bien que mal, le joint du cylindre fut refait, ce qui permit de constater que les segments du piston étaient usés et n'iraient plus bien loin. Le petit vapeur peut être remis en route. Maintenant, c'était à peine s'il donnait 6 nœuds. À la hauteur du cap, le temps se gâta. En moins de 2 heures, un furieux ouragan de sud-ouest déchaîna. À demi chaviré, dansant, piquant du nez, couvert à chaque instant par d'énormes lames, le petit vapeur tenta de lutter. Murphy Knobbles avait pris la barre, cependant que Labaillot et Frangopoulos s'efforçaient de maintenir la machine en pression. Après 1 heure d'effort, au cours de laquelle l'hélas, coiffé par de lourds paquets de mer, faillit plusieurs fois sombrer, Murphy Knobbles prit la seule décision possible, fuir devant le temps. Un relèvement qu'il avait pu prendre pendant une accalmie lui avait permis de préciser sa position. Il se dirigea vers la côte de Sicile afin de tenter de s'abriter dans le golfe de Castellamare en attendant la fin de la tempête. Mais peu après, W, trempé, crachant et soufflant, arriva sous la petite passerelle et annonça que le cylindre haute pression fuyait de nouveau et plus que jamais. Il fallait relâcher le plus tôt possible, d'autant que Frangopoulos, exaspéré, menaçait de refuser tout service. Relâché, le port le plus proche était Tunis, mais pour l'atteindre, il fallait lutter contre le vent et la mer, et l'hélas n'en était pas capable. Alors, Palerme, Naples, Murphy Knobbles préférait Naples, un plus grand port où l'arrivée du petit vapeur aurait plus de chances de passer inaperçu. « Allons à Palerme !»« Ah, nous l'aurons gagné notre or !» aboya William Wagstein, au comble de la fureur. « Ah, si j'avais !» Murphy Knobbles, dégoûté, lui ferma la bouche de sa main et lui cria dans l'oreille. « Fermez ça, on entend tout ce qui se dit ici dans la machine. »« Bon, avec ce temps !» grommela W, qui, sans insister, quitta la petite passerelle. Le petit vapeur vint sur sa droite. Il eut bientôt la mer par l'arrière. Sa vitesse en fut accrue, il roula moins. Vers la fin de la journée, le vent mollit un peu. Mais les vagues demeurèrent hautes et continuèrent à briser. Ce ne fut que le surlendemain, dans l'après-midi, que l'hélas, qui se traînait plus qu'il n'avançait, fut enfin dans le golfe de Naples. D'un dernier effort, le petit vapeur doubla l'île de Capri et alla s'amarrer au môle de San Gennaro entre 2 petits voiliers chargés de ferraille. Murphy Knobbles, qui parlait en soi peu l'italien, descendit aussitôt à terre afin de faire viser les papiers du bord au bureau du port. Lorsqu'il revint 1 heure plus tard, il trouva W debout sur le quai qui agitait furieusement ses bras. Il l'entraîna à bord. « Ce pourceau! Ce voyou, ce rascal. Oui, c'est du grec, je parle. Il est parti. Il m'a demandé de le payer, qu'il ne voulait plus rester avec nous. Enfin, je lui ai remis 10 livres. Il a dit qu'il reviendrait pour se faire payer le reste. Il a dit, enfin, il nous a insultés, qu'on trafiquait des affaires louches, que ce n'était pas clair, et tout. Je ne lui ai pas répondu. Ah, nous aurions dû le noyer. S'il fait des histoires à la police, nous sommes faits comme des rats. Pourquoi en ferait-il ? Remarqua Murphy Knobbles avec calme. Je suppose que vous ne lui avez pas dit que vous ne le payeriez pas. Lorsqu'il viendra, je le calmerai. Et s'il ne veut définitivement pas rester, nous trouverons bien un homme pour le remplacer. Et moi, je vous dis, Mr. Knobbles, que tout cela va mal se terminer. Ces Grecs, je les connais, tous crapules et compagnie. Il faut repartir le plus vite possible. Naturellement, concéda l'ancien officier de marine. Mais maintenant, tous les ateliers sont fermés. Et toute hâte inconsidérée de notre part pourrait sembler louche. De plus, il nous faut du mazout. Les réservoirs sont à peu près vides. Demain, je m'occuperai de tout, et nous pourrons appareiller dans la journée. W fit entendre un grommellement furieux. Les deux hommes dînèrent de conserve. Aucun d'eux ne descendit à terre. Le jour suivant, dès l'aube, ils furent debout. Murphy Knobbles s'en fut aussitôt à terre. Il commanda du mazout et parvint à obtenir que dans le courant de la matinée, des ouvriers mécaniciens viendraient examiner et réparer la machine de l'hélas. Lorsqu'il revint à bord, un peu avant midi, W lui apprit que Frangopoulos n'avait pas reparu, ce qui lui semblait louche. Non sans peine, Murphy Knobbs parvint à le rassurer. Les ouvriers n'étaient pas encore venus. Ils n'arrivèrent qu'à 2 heures, démontèrent la machine et annoncèrent qu'en refaisant le serre-joint du piston de haute pression et en changeant les segments, le petit vapeur pourrait repartir. Le tout serait terminé le lendemain dans la soirée, impossible d'obtenir autre chose. Le mazout était arrivé sur un chaland citerne. Il fut rapidement pompé à bord. Et ce fut la fin de la journée. Frangopoulos n'avait toujours pas reparu, mais W commençait à se rassurer. Vers 7 heures, il descendit à terre pour y dîner et ne revint que fort tard dans la nuit. Murphy Knobbs était resté à bord. Il n'était pas d'humeur à se distraire. Sans qu'il le montrât, toutes sortes de mauvais pressentiments l'assaillaient. Encore plus que W, il aurait voulu être en mer. La nuit passa sans incident, ainsi que la matinée qui suivit. Pour partir, les associés n'attendaient plus que les segments qui devaient être apportés dans l'après-midi. Et toujours pas de nouvelles de Frangopoulos, ce qui était de moins en moins rassurant. W et Murphy Knobbs maintenant se rappelaient certaines attitudes du matelot grec, des coups d'œil, des chuchotements. Ils devaient sûrement se douter de quelque chose, mais que faisait-il, où était-il? À 4 heures de l'après-midi, les ouvriers arrivèrent enfin. Ils expliquèrent qu'ils avaient dû fabriquer des segments, la machine de l'hélas étant d'un modèle démodé et ancien. Ils se mirent aussitôt au travail, et un peu avant 5 heures, eurent enfin terminé. Toujours pas de Frangopoulos. Les associés décidèrent de mettre la chaudière en pression et de filer. Mais au moment où W allait descendre dans la chaufferie, les silhouettes de 2 agents en uniforme apparurent au bout du quai et se dirigèrent vers l'hélas. « C'est pour nous !» gronda l'ancien garagiste à les yeux brillants. « Mais ils ne nous auront pas. Il n'y a personne sur le quai. Laissons-les monter à bord. On les assommera. On partira et on les emmènera. Avant qu'on les recherche, nous... Vous êtes fous !» interrompit Murphy Knobbs. « Nous !» Les agents étaient déjà à portée de la voix. La nuit venait avec rapidité. Déjà, les candélabres électriques du quai venaient d'être allumés. Les agents, qui avançaient rapidement, arrivèrent presque aussitôt devant le remorqueur et franchirent la planche qui le reliait au quai. « Ordre de la capitainerie du port, nous venons visiter votre bateau, » expliqua le policier, dont la manche s'ornait des insignes de brigadier. Murphy Knobbs et William Wackstein échangèrent un rapide regard. Murphy Knobbs aurait bien voulu retenir son associé, mais c'était trop tard. « Veuillez descendre, signores, » dit-il. Les agents, derrière Murphy Knobbs, descendirent la petite échelle de bois qui conduisait à l'unique cabinet du bord, situé à l'arrière. Ils arrivaient à peine en bas, que W, qui était descendu derrière eux, porta au brigadier un terrible coup de clé anglais sur la nuque qu'il abattit dans l'échelle. Murphy Knobbs, quoi qu'il en pensât, dut se jeter sur le second policier. Aidé de W, il l'eut rapidement maîtrisé et ligoté. Les associés remontèrent sur le pont. Personne sur le quai. Les 2 voiliers entre lesquels était accosté l'hélas avaient appareillé depuis le matin. Les brûleurs de la chaudière furent allumés, et les 2 hommes attendirent, le cœur serré, que la pression montât. Enfin l'on put partir. Les associés larguèrent les amarres qui retenaient au quai le petit navire, et tandis que Murphy Knobbs prenait la barre, W ouvrit la valve d'admission de vapeur dans les cylindres. L'hélas, lentement, s'éloigna du quai désert. La nuit était complètement venue. Le phare qui termine le môle de San Vincenzo fut doublé et le petit navire piqua vers le large. Il n'avait pas franchi 2 milles que soudain un grondement sourd retentit dans ses profondeurs. Tout aussitôt, W vit l'eau envahir la chaufferie avec une rapidité inouïe. Il n'eut que le temps de bondir sur le pont. Une des toiles de la carène du remorqueur, complètement pourrie, venait de céder à la pression de l'eau. « Les policiers !» s'écria Murphy Knobbs, à qui W, d'une voix entrecoupée, venait d'annoncer la catastrophe. Mais l'ancien garagiste, affolé, ne lui répondit pas, et bondissant par-dessus la rambarde, se jeta à la mer. Déjà le pont du remorqueur était au ras de l'eau noire. Murphy Knobbs s'engouffra dans la petite cabine où les policiers gisaient ligotés. Il coupa leurs liens et les invita à se jeter comme lui à la mer. Tous deux hurlèrent qu'ils ne savaient pas nager. Le remorqueur coulait. À la suite de Murphy Knobbs, les 2 hommes n'eurent que le temps de grimper sur le pont. Knobbs, empoignant le brigadier, voulait l'entraîner dans l'eau, mais le policier affolé se débattit et lui échappa. Au même instant, Murphy Knobbs sentit le pont du remorqueur se dérober sous ses pieds. Il n'eut que le temps de foncer dans le noir et de s'écarter. Vainement, il chercha les deux policiers. Ils avaient disparu. Murphy Knobbles et William Wagstein, qui avaient pu gagner la terre, furent arrêtés quelques heures plus tard. W tenta de se sauver en niant tout, mais Murphy Knobbles dédaigna de mentir et expliqua ce qui s'était passé. Lui et W apprirent que les policiers étaient simplement venus pour viser les papiers du petit remorqueur avant son départ et qu'ils ne se doutaient de rien. Quant à Frangopoulos, s'il n'avait pas reparu, c'était parce qu'il avait été blessé dans un cabaret au cours d'une rixe. Il était présentement à l'hôpital. Murphy Knobbles et William Wagstein furent condamnés chacun à 15 ans de carcerodoro, de réclusion. Murphy Knobbles, tout comme son associé, subit actuellement sa peine. Et dans l'horreur de sa cellule sans fenêtre, sans doute pense-t-il à l'avertissement du premier des habitants du royaume de l'Ouest, « Qui touchera l'effigie, Horus se retirera de lui et il mourra dans les ténèbres. » Ainsi s'achève « Le premier des habitants du royaume de l'Ouest » par José Moselly.